vétérans d'Oceaga sont de retour pour un spectacle au Metropolis le 6 mars 2014 avec invité spécial Vance Joy. Les billets sont en vente maintenant. Appelez le 1-855-790-1245 ou visitez ticketmaster.com ou eventco.ca. Ne manquez pas Young the Giant le 6 mars au Metropolis, présenté par Greenland et Eventco. Vous cherchez LA place à Montréal pour vous entraîner, nager, pratiquer votre sport préféré? Rendez-vous au CEPSUM, surtout si vous êtes diplômé de l'UDM, HEC ou Poly, puisque vous profitez d'un rabais de 20% sur tous les forfaits d'abonnement. Renseignez-vous à cepsum.umontréal.ca. À l'Abreuvoir, on sait que la sortie du jeudi, c'est pas pour les petits joueurs. C'est pour ça que le jeudi, attention, on sort nos canons. Commande ta grosse tremblée ou ta swing top dans le pub et on te la sert dans le rock. Avec deux grosses pointures comme Grolsch et Tremblay dans la place, on n'a pas le choix de t'offrir les deux ambiances, pub et club. Tu veux chauffer le plancher de danse? Alors prends ta grosse ou pop ton top. Les feux de la rampe t'attendent tous les jeudis à l'Abreuvoir. Abreuvoir. Pub, club, terrasse, 403 Ontario-Est. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous en ce lundi 6 janvier 2014. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une très bonne année 2014. Ce soir, émission un peu spéciale puisque c'est la 100e émission sur les ondes de CISM. Émission qui a commencé à l'été 2011, qui a pris une petite pause pendant deux saisons, qui est revenue par la suite en 2012. Ouais, c'est ça, à l'été. Et mais qui avait commencé avant ça même, donc ça m'a inspiré le spécial de ce soir que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, donc spécial décennie 2000. Pourquoi? Parce que le Terminus, à l'origine, ben c'était une émission dans un cégep, oui, c'est ça, sur la Rive-Sud, une émission qui avait commencé vers les années 2003-2004, donc j'ai décidé de retourner un peu dans les choix musicaux qu'il y avait à l'époque, les groupes qui tournaient sur les ondes des radios collégiales et même à CISM à l'époque. Donc, ce sera des groupes qui ont des chansons, des albums qui sont parus donc entre 2000 et 2009. C'est le concept de ce soir. Donc, des groupes autant francophones qu'anglophones, vous allez voir. On va commencer avec d'ailleurs trois groupes qui chantent en anglais. Vous allez entendre dans le premier segment la formation Envelopes. Il va y avoir Oranger, mais on commence avec The Lights, formation de la côte ouest qui ont sorti en 2003 l'album Beautiful Bird, duquel on écoute à l'instant la chanson I'm a Dangerous Snake, à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Yeah. watch me when I cry. I thought I'd lose my own life. But who am I to decide this? I'm not the man who hands out the crying list. I am a young man with the hopes and the dreams of a young man in this so-called scene. I got no plans to try to compromise your mother. I am a tall man, most things are within my reach, and in the working plan. I am a singer who's tried to talk to other swingers. But here in my car, I am appalled, I am inflamed. Can you help me find my voice? It is not here, it is not there. It is not here, it is not there. It doesn't seem to be anywhere. Say goodbye to the ones you love. de leur tout premier album Demon qui était sorti en 2006. C'était Envelopes avec Sister in Love. Et vous écoutez, je vous rappelle, le spécial Décennie 2000 ici à l'émission Le Terminus pour la 100e émission. Les chansons qui vont tourner pendant cette émission-ci seront disponibles à la fin sur le CISM893.ca. On va rester dans la même année, 2006, avec les deux prochains groupes. On va attendre pour... ça va être un duo. Il va y avoir donc 50 Foot Wave, qui est le groupe mené par Kristen Urch, qui était la leader pendant plusieurs années de Touring Muses. Ils ont sorti en 2006 donc l'album Golden Ocean, un projet quand même un peu plus tourné vers les guitares que Touring Muses. Bon, ça sera la chanson Clara Bow, mais on commence avec Serena Manesh, leur premier album qui porte leur nom, sorti lui en... Je vais arrêter de me répéter, et sorti également en 2006. Ça sera la chanson Celine Sea's Melody Fontaine de Serena Manesh. On écoute ça à l'instant sur les ondes de CISM. We'll be right back. 60 Foot Wave et leur chanson Clara Bow, 60 Foot Wave, nouveau projet de Madame Catherine Hirsch, anciennement de Touring Muses. Leur album Golden Ocean lui sortait en 2006. On va ralentir un peu pour le prochain segment. On va commencer ça tranquillement avec des gens qui gravitaient ou qui gravitent autour de Belle & Sebastian. Il s'agit de Camera Obscura, dont le premier album a été réalisé par Stuart Murdoch de Belle & Sebastian. Donc, album Biggest Bluest Hi-Fi de Camera Obscura, sorti en 2001. On écoute leur chanson I Don't Do Crowds à l'émission Le Terminus spécial décennie 2000 pour la 100e. Oui. I'm funny that you never even knew all the times when I stole a look from you. Oh, what's in my mind? Oh, they're gonna put me away this time. Les soirs en fronde, je prends des traits pour faire l'amour et boire mon vin. Quand je suis saoule, sans mes chaînes je repars. Je chante sous les vieux chaînes et les remparts. Je suis déphasée, je ne peux rêver à rien d'autre. Amoureuse, dis-moi, je le crois. La lune se noie, l'aube m'embrasse, je me décloue, mais je suis lasse, hélas. J'ose penser que tu m'es passé. Je ne peux rêver à rien d'autre qu'à toi. Je suis décalée, amoureuse, ou du moins, je le crois. La Californie, à je sais bien, mais c'est beaucoup des mois. New York à vélo, c'est rigolo, mais c'est trop peu sans toi. On appelle se tromper de piste. On recommence. Sex jusqu'à 20h. Vous écoutez la 100e émission du Terminus sur les ondes de CSM. Jean-François Lusignan avec vous. Et pour l'occasion, on écoute ensemble des chansons des années de la décennie 2000. Et on vient tout juste d'entendre Polype avec Fais rire tes larmes sans nourrir tes vers, qui était sur leur album Tropique du cancer, qui est sorti en 2009. Juste avant, on remontait à 2004 avec l'album Baiser allumette de Alice et leur chanson Californie à jeun, New York à vélo. On continue maintenant avec des gens de Londres. Ils s'appellent Shrag. En fait, le groupe s'est séparé l'année dernière, mais c'est pas grave. On peut quand même écouter de leur musique. C'est permis. On écoute de l'album Shrag, donc la chanson Pregnancy Scene. C'est ça, du groupe Shrag. Scene. Doom, c'était Jay Retard, avec sa chanson Let It All Go, d'une espèce de compilation sortie en 2008 qui rassemblait ses différents singles, sortis plus tôt en 2006 et 2007. Et c'était précédé des Vautours, la défunte formation, avec Enfant de cœur, qui se retrouvait sur Charogne, Chacal, qui remonte, album qui remonte lui à 2004, et on avait commencé le tout avec Shrag et Pregnancy Scene. On va maintenant continuer avec un duo. Ça, vous allez entendre dans les prochaines minutes le leader-chanteur de Guided by Voices, Robert Pollard, qui est sorti autour de 2006. Un album qui s'appelait From a Compound Eye. Ça sera la chanson Conqueror of the Moon. Mais on débute avec une formation de Toronto. Il s'appelle SS Cardiacs. Et ils se sont séparés l'année suivante l'apparition de Fear the Love en 2005. Un groupe qui était formé entre autres de Jesse Stein, qui s'est par la suite installé à Montréal pour former un groupe que vous connaissez. C'est de Louyaz. On va entendre donc de l'album la chanson No No in a Foreign Dialect de la formation, défunte formation SS Cardiacs. Tout ça sur les ondes de CISM 89.3. I was deaf for half an hour. I woke up in the shower. I was 12 years old and I was wearing clothes, dripping with the thought of how maybe I'm not all that essential to the way I waste all of my days, and it is all or nothing, then it's all gone. We'll be right back. C'était la portion prog de l'émission de ce soir, gracieuseté de Robert Pollard, chanteur leader de Guided by Voices. C'était sa chanson Conqueror of the Moon qui se retrouve sur un album assez long, hein, une vingtaine de chansons, même plus, qui s'appelle From a Compound High. Restez à l'écoute, hein, parce que l'émission qui suit, c'est Nous sommes les rockers avec Roman Blouin. Ça va être dans quelques minutes seulement, pour retrouver la liste des chansons qui a tourné pendant cette heure-ci, pendant l'émission de ce soir. Rendez-vous dans quelques instants sur le CISM893.ca. Il y a également les archives de l'émission sur leterminus.ca. On va conclure ce spécial décennie 2000 avec une formation de Milwaukee qui donne, eux, dans un dream pop slash shoegaze. Il s'appelle Brief Candles. Ça sera la chanson Space Age Love Song. Et c'est également ce soir, c'était la 100e émission du Terminus. Donc, voilà, maintenant, cette émission-là est faite. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, pour une autre édition du Terminus. Ciao!